Combat de boxe qui va se passer samedi, un combat de boxe qu'on attend depuis plusieurs mois. Il y a plusieurs petites nouvelles avec Bernard Barré, on va en parler. Salut Bernard! Bernard, il y a un gros combat Salut de Danny. boxe samedi. Il y a plusieurs petites nouvelles également fort intéressantes. On va commencer avec ce combat-là qui va impliquer Bermann Stevens et Deontay Wilder. C'est un combat qu'on attendait depuis plusieurs mois. Finalement, on aura la conclusion. Je regardais sur BoxRec tantôt la démenclature des deux boxeurs. Wilder, 6 pieds 6, Steven, 6 pieds 2. Je me suis dit, ça va en quoi? Certainement que l'Américain part avec une très longueur d'avance, là. Oui, physiquement, il est avantagé. Puis c'est un boxeur qui a de très, très bons directs. Il a un bon jab, puis il a un bon direct la main arrière. C'est sa marque de commerce. C'est certain que c'est un combat qui est intriguant. D'ailleurs, les parieurs donnent du 1,5 contre 1. Donc, ça vous donne une idée un peu comment c'est serré pour Wilder. Et pour Bermann Stevens, ben, c'est un test, là, lui, qui a remporté le titre contre Chris Areola. Et puis là, il va le défendre pour la première fois. D'avoir un boxeur devant lui qui a une fiche de 32 victoires 30, en 32 combats, 32 knockouts, ben, c'est quand même assez impressionnant. Il demeure toutefois que les adversaires de Deontay Wilder, ben, c'était pas de super gros calibre, un peu à l'image aussi de l'affiche de Bermann Stevens. Donc, c'est certain qu'en début de combat, Stevens va avoir intérêt à pas échanger coup pour coup. Ça peut être très dangereux. Mais Wilder n'ayant jamais fait plus que 4 rounds, on peut s'attendre à ce que sur un marathon de 12 rounds, à quelque part, il s'en va en terre inconnue et peut-être qu'il va ralentir. Et s'il ralentit, considérant que Steven est un boxeur puissant et un boxeur sournois, surtout avec son crochet de la main avant, ben, il peut peut-être conclure avant la fin. En tout cas, selon moi, OK. ce combat-là, il Est-ce n'aura que pas le la vie. fait que Steven a quand même boxé plus de rounds, ça va être certainement la stratégie que l'entraîneur va employer, l'entraîneur de Bermann Steven, hein, de l'avoir à l'usure, hein? Oui, absolument. Il faut absolument que tu sois prudent, hein, là, avec un cogneur comme ça. Tu peux pas arriver puis prendre une chance d'échanger coup pour coup. Donc, c'est certain que dans le cas de Steven, s'il peut faire office de survivor, ben là, à ce moment-là, moi, j'ai l'impression, à quelque part, que whoop, l'intensité de Wilder, qui va sûrement être très, très vigoureux en début de combat, va en prendre pour son rhume. Tu sais, il demeure que Steven, ou en 2013, il est allé contre Chris Arreola, le premier combat entre les deux, puis il est allé, puis il a gagné une décision unanime en 12 ans. Donc, lui, il s'est déjà rendu. C'est certain qu'il n'a pas fait beaucoup des longs combats. Il a déjà arrêté aussi Ray Austin au 10e round. Mais il sait au moins c'est quoi se rendre jusque-là. Et puis, il n'avait pas ralenti contre Chris Arreola quand il a fait 12 rounds. Il est encore très, très solide à ce niveau-là. Donc, lui, au moins, il est conscient que si ça. Ça s'étire le combat, mais là, l'avantage va tourner sur son côté. Donc, l'important, c'est de ne pas mettre ni sa face-là, ni son foie, ni son plexus-là en danger dans le début de combat, puis de penser qu'éventuellement, ben là, sournois comme il est avec son crochet de la main avant, il y a Donc, eu peut-être une tu as chance de dit, conclure. Riola, ta prédiction, Bernard, là-dessus? Moi, je pense sincèrement que c'est un, premièrement, je suis convaincu d'une chose, ça va se terminer à la limite. J'aime bien les chances de Bermann Stevens parce que Stevens, c'est un boxeur qui est capable de fermer sa défensive, de bloquer les coups, de se faire un genre de coquille. Donc, j'ai l'impression qu'il est bien préparé, c'est le combat de sa vie. Moi, j'ai l'impression qu'il est capable d'aller chercher cette victoire-là, qu'il mettrait sur la map, puis il le mettrait dans une position avantageuse OK. dans Est-ce ses que, futures là, on parlait ce négociations. matin que Camille Stéphane parlait d'un combat contre Vladimir Klitschko à Montréal? Est-ce que tu crois ça? Oui, c'est possible, mais c'est sûr que pour Klitschko, il n'a pas vraiment besoin. C'est une possibilité parce que c'est certain que Klitschko, il veut mettre la main sur la ceinture du WBC qui appartenait à son frère. Son frère l'a abandonné, cette ceinture-là. Donc, pour Klitschko, c'est celle qui lui manque, donc il veut mettre la main là-dessus. Mais d'un autre côté, il est tellement populaire en C'est pas Europe, tellement l'Allemagne. populaire en Allemagne, que d'arriver puis dire on s'en vient à Montréal. Écoute, ça va être un défi, là, parce que de sortir de chez Ben lui oui. quand c'est lui qui est le king, et puis qui joue dans des millions, il n'a pas besoin de ça dans sa vie, de sortir de son environnement, puis donner des munitions à l'adversaire. Mais dans la boxe, rien n'est possible. Darman Stevens avec une superbe victoire, éclatante victoire, mais il attirait l'intérêt des amateurs américains. Et on sait aux États-Unis quand les gens adoptent un boxeur, ben là, à ce moment-là, les gros réseaux peuvent être intéressés, mettre les millions que ça prend. C'est pas impossible, mais donc c'est okay. Je vais parler maintenant de David Lemieux. On ne s'est pas parlé depuis ce temps-là. David Lemieux a quitté le groupe Jim. Est-ce que tu t'en attendais? Écoute, c'est moi, c'est moi qui ai recruté David quand il a tourné chez les pros. Il a fait quand même 30 ans de combat avec nous. C'est des négociations de contrat. D'ailleurs, c'est une situation qui n'est pas terminée loin de là. Donc, il y a comme une mésentente sur la validité des contrats, etc. On va en parler beaucoup dans les prochaines semaines, sûrement. Donc, à ce niveau-là, comme je te dis, c'est pas mon département. Moi, je suis content pour David. Sa carrière va bien. Sa victoire contre Rosaldo l'amène solide dans le top 5 mondial un peu partout. Et tu vas faire en sorte qu'il va avoir des offres vraiment intéressantes. Puis on sait que David, c'est un boxeur qui est spectaculaire et qui est puissant. Donc, au-delà, que ce soit avec qui, moi, l'important pour moi, c'est que la boxe québécoise aille bien. Moi, je m'amuse là-dedans. Je suis très, très content que pour lui. Puis, tant mieux. Puis, s'il est capable de se rendre un combat de championnat du monde et de le gagner. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi David est rendu là. C'est bien entendu à cause de l'encadrement qu'il a, l'encadrement de Marc Ramsey puis de toute son équipe alentour. Okay. C'est une grosse différence sur l'amélioration qu'on a vue dans les dernières années. Donc, ce que je peux le souhaiter à toute la gang, au-delà de David, mais à Marc aussi, c'est que David devienne champion du monde, là, parce que il y a ce qu'il faut au point de vue charisme. Et on sait à la boxe professionnelle à quel point c'est important d'être puissant, mais David Lemieux est extrêmement... Finalement, on va l'avoir, le combat. Tout indique qu'on va l'avoir, Floyd Mayweather contre Manny Pacquiao. À la lumière de ce que tu as vu, Bernard, est-ce que finalement, là, faire monter les enchères. Il y a deux ans, on parlait de 50 millions chaque. Là, on parle maintenant autour de quasiment 600 millions pour Mayweather. Pacquiao, on parle si je me rappelle bien, c'est 80 millions. Est-ce qu'on a bien fait finalement d'attendre puis de faire monter les enchères? Je te parle monétaire. Ils ont joué avec le feu. Ils ont joué avec le feu. La défaite de Pacquiao contre Marquez a fait en sorte que, bon, on a pensé que c'était reculé par le tonnerre. Mais Pacquiao a réussi avec ses performances à quand même reprendre des plumes qui l'ont placé dans une situation peut-être pas à 50-50. D'ailleurs, là, on parle de 60-40 pour le pourcentage, 120 millions, 80 millions. Mais rendu dans ces prix-là, c'est ce que le monde veut, c'est ce que le peuple veut, c'est la terre entière amateur de sport veut. Donc, à ce moment-là, c'est dû, mais encore là, on va attendre parce qu'on a parlé de ça tellement souvent, puis il est toujours arrivé quelque chose qui a fait en sorte de bloquer ça, mais à quelque part, à un moment donné, les gars rajeunissent pas. C'est là où jamais, là, parce que sinon, ça va être au 40 grec. On joue avec le feu de l'arme, mais quand même, mais quand on regarde ça pour eux autres, ça va être plus payant encore que s'il l'avait fait de 2-3 ans. Oui, ça c'est sans aucun doute. Le monde du sport actuellement, depuis 2-3 ans, est en folie, là. Tu sais, ça n'a plus de sens. On pourrait en parler des contrats que les joueurs de hockey signent, les joueurs de baseball. L'argent, on dirait qu'elle est à l'infini. Les réseaux de télé, c'est de plus en plus puissant, de plus en plus fort, donc ils sont capables d'accoter ça au niveau des cotes d'écoute, puis de générer énormément de revenus. Bon, mais oui, ils ont joué, ils ont gagné, ça peut être fait, mais c'est certain que le combat auquel on va avoir droit va être de moindre qualité que si on l'avait fait le 5. Ça, 5 ans, les deux étaient à leur prime. Mayweather, qui lui, toute sa boxe est sur la rapidité. Et on sait que c'est la première chose qu'un individu va perdre dans sa vie. Et là, Mayweather, il est né en 78, là, il est rendu à 36 ans. Là, 77, je pense, 37 ans. Donc là, on commence à être moins le fun un peu. Là. Donc, mais quand même, ça va être un combat qui est compétitif, un combat intriguant. Et on va attendre, comme je dis, avant de faire l'évaluation de ça, que tout soit signé, parce qu'ils nous ont tellement déçus au fil des dernières années qu'on est quand même... Tu as parlé de TV, il y a une nouvelle qui est tombée hier, qui avait des rumeurs, mais là, c'est maintenant confirmé. NBC se lance dans la boxe avec Al Ammon, qui est d'ailleurs, je pense, le gérant de Dennis Stevenson. Et là, c'est l'histoire. Si NBC va rentrer avec plusieurs boxeurs, Al Ammon va rentrer avec plusieurs boxeurs sur NBC. On parle de Adrian Broner, qui est quand même pas mauvais. On en parle de d'autres, plusieurs gars-là. Est-ce que ça va changer le monde de la boxe pour le mieux? Parce que là, moi, depuis que je suis la boxe, c'est Showtime contre HBO. Le Showtime, est-ce qu'il va avoir... Est-ce que ça va changer tout ça? C'est certain, là. C'est un autre joueur. Écoute, NBC, ouais. Là, c'est comme TVA au Québec. NBC pour les Américains. Donc, c'est un monstre. Ouais. C'est un monstre. Et eux décident d'investir dans la boxe parce qu'ils pensent qu'il y a de quoi faire avec ça. Mais ça, c'est tout le monde qui va gagner là-dedans. Donc, au lieu d'être deux joueurs, se regarder comme chien et chat, mais là, ils vont être trois joueurs. Et puis, Al Ammon est à la bonne place au bon moment. Il y a 150 boxeurs sur sa gérance. Donc, c'est à le gars à parler pour mettre ça très intéressant. Parce que Mohamed Ali étaient présentés sur ABC dans les années 70. Donc, ça a déjà été sur la grosse... c'était pas juste... Ouais. Ah, écoute, tout le monde se rappelle les plus vieux de Wide World of Sport, où là, les grands combats étaient là-dessus, sur ABC, puis on attendait ça, puis on en shakait. Mais là, c'est NBC, ils ont décidé de mettre leur billet là. Ils ont énormément d'argent. Ils en ont autant que Showtime et puis HBO, sinon plus. Donc, pour l'industrie, Dernière question, plus le régional, Francis Ntetou, Bernard, je ne sais pas si je te l'apprends, a gagné vendredi soir aux États-Unis. Il était en gala sur justement Showtime, à Showbox finalement. Et j'y ai parlé cette semaine, très positif. Il dit qu'il a fait un très bon move de s'en aller aux États-Unis. Est-ce que finalement, Francis Ntetou, le fait d'avoir travaillé avec Ludi Bella, est-ce que finalement, il va avoir une carrière très intéressante aux États-Unis? Il n'est pas vieux, là, pour son... Ben écoute, on lui souhaite. Ouais. Francine Tétu, c'est un bon boxeur. Là. Il a fait une belle carrière amateur. Il nous a représenté dans plusieurs compétitions. Bon, chez les pros, il tient bien. Là. Il a 14 ans à 14. Bon, il n'y a pas beaucoup de knock-out. Il y a seulement 3 knock-out, mais quand même. C'est... Et puis nous, on le voit souvent régulièrement à Montréal, parce que c'est un partenaire d'entraînement à peu près tous les boxeurs de ce poids-là quand il arrive des grands combats. Là, d'avoir été chercher une décision unanime comme ça dans un programme de boxe quand même important. C'est sûr que son adversaire, bon, 26 à 11 victoires, 4 défaites, 2 combats nuls, c'était pas un champion du monde, mais quand même, il l'a bien dominé et ça va faire en sorte que, bon, il va avoir d'autres occasions et écoute, tant mieux, là, s'il est capable, là, on le souhaite, là. Ça serait le fun qui lui aussi monte dans le système parce qu'il est un poids qui est très intéressant. Un Tétu qui boxe 175 livres. C'est certain qu'on sait que c'est la grosse classe ici au Québec. Donc, s'il devait faire son bout de chemin, puis éventuellement, ben, commencer à sortir du paquet, ben là. Tout le monde qui va gagner là-dedans. On va regarder le vendredi soir, samedi soir, présenté à TVA Sport en direct. Est-ce que tu fais le combat? Normalement, tu es toujours à TVA Sport. Est-ce que tu fais le combat aussi? Ça va être Non, je ne serai pas là, mais je vais être très attentif. Ben Bernard, on se parle dès que l'actualité de la boxe l'exige. Voilà, Bernard. Ça marche, OK, bye.